Salut, c'est Cœur Noir Tripalium, l'émission de la CNT42 sur Radio Audio. On est le premier dimanche de novembre, donc c'est notre tour de prendre l'antenne. Ce soir, on va faire une émission principalement musicale, où on va diffuser des morceaux révolutionnaires de différents styles de musique. Si la CGT ou FO nous écoute, n'hésitez pas à vous en inspirer pour les prochaines manifs et à enrichir votre playlist. Allez, on commence avec les amis de ta femme. Sous des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus les chemins, que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paname suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mort est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais avant le temps, le manche des mauvais jours finiront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par aventure, les complaisants, les décorés, champs de boursiers, de coins de rue, amants de filles au rebut, grouille comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. Oui mais avant le temps, le finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, palais de rois et d'empereurs. Oui mais avant le don, le manche des mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Au MacMahon, au Dupanloup, il va pleuvoir des eaux bénites. Les troncs vont faire un argent fou. Dès demain en réjouissance, les Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence et le bagne se peuplera. Oui mais avant le temps, le manche des mauvais jours finiront. Demain les Manon, les Lorettes et les dames des beaux faubourgs porteront sur leurs collerettes des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui mais avant le temps, de service et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés. chars et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais les sabres, le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la république de la justice et du travail? Oui, mais avant le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Ah, il faut que je trouve un truc pour la fin. Desespera. Voilà, ça c'était donc la Brigada Flores Magón pour ma classe. Juste avant ça, on a écouté Sindios Ingobernables. C'est tout pour moi, à vous. Alors, moi je voulais revenir et surtout apporter notre soutien à Laura. Laura, c'est cette inspectrice du travail, là. De l'affaire Téfal. Parle bien dans le micro, Ayan, oui, s'il te plaît. Oui, je parle dans le micro. Donc, je disais qu'on apportait tout notre soutien à Laura, l'inspectrice du travail, qui vient de se faire condamner une nouvelle fois par la cour d'appel de Lyon. Alors, quelle est son affaire ? Donc, Laura, elle est inspectrice du travail, elle travaillait à côté de l'entreprise Téfal. Et en 2013, elle a dénoncé des pratiques de cette entreprise. Je vais vous résumer en quelques mots l'affaire. Donc, il y a un salarié de l'entreprise qui découvre en octobre 2013 un compte rendu des ressources humaines le concernant et mentionnant licenciement de Monsieur M, autre motif, coût 12 000 euros. Donc, lui fixer des objectifs inatteignables, abasourdi par ses méthodes, il cherche des renseignements sur le serveur informatique pour se protéger. Elle découvre à cette occasion que l'entreprise, via le MEDEF et les services de la DCRI, les renseignements généraux, de la préfecture de la Haute-Savoie, 74, ont cherché à se débarrasser de l'inspectrice du travail, donc Laura, gênante à leurs yeux pour avoir qualifié un accord RTT d'illégal. Le salarié communique alors ses documents compromettant à l'inspectrice. Elle comprend soudainement pourquoi son directeur l'a convoqué et menacé en avril 2013, donc il y a quelques années déjà, au cours d'un entretien ayant pour objet un recadrage violent. Lors de cet entretien, son directeur départemental avait notamment exigé qu'elle revoie les demandes qu'elle avait adressées à l'entreprise Téfal. Notre collègue, c'est donc Laura, hein, c'est un texte qui a été écrit par d'autres inspecteurs du travail, en sortira déstabilisée et sera en arrêt maladie plusieurs mois. Elle saisit alors le Conseil national de l'inspection du travail, le CNIT, procédure prévue en cas d'atteinte à l'indépendance de l'inspection du travail. Elle met en copie de sa saisine les organisations syndicale de son ministère qui l'aide en lieu et place de sa hiérarchie défaillante. Elle transmet ses documents au procureur de la République dans un procès verbal d'obstacle à ses fonctions. Elle porte plainte pour harcèlement moral contre les directeurs de l'administration dont les pressions et même les menaces sont la cause de la dégradation de sa santé et de ses conditions de travail. Le CNIT, après enquête, établit l'existence de pressions indues de la part de l'entreprise. Pour autant, les procédures et plaintes de l'inspectrice prennent la poussière sur le bureau du procureur de la République avant d'être classées sans suite, tandis qu'il décide de poursuivre l'inspectrice du travail et le lanceur d'alerte. Les propos du procureur sont détonnants, lui qui trouve une occasion de faire le ménage au sein du corps de l'inspection du travail qui ne devrait pas avoir le droit de se syndiquer. Ça, c'est les mots du procureur, hein. Un bel exemple d'impartialité et de déontologie. Donc, la cour d'appel de Chambéry, le 14 septembre 2016, condamne Laura, l'inspectrice du travail, pour recel de violation du secret des correspondances et violation du secret professionnel dans le cadre de l'affaire Téfal. Le 17 octobre 2018, il y a un an, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, lequel écartait l'application du statut de lanceur d'alerte. Entre-temps, donc, il y a eu une loi qui a été votée qui s'appelle la loi Sapin 2 et donc qui protège les lanceurs d'alerte. C'est sur cette base donc, que la cour d'appel de Lyon rejugeait donc, Laura le 12 septembre dernier, il y a un mois et demi là. Et qui vient donc de la condamner. C'est tombé la semaine dernière, le 24 octobre. Et donc les magistrats, les magistrats concluent tout d'abord que la prévenue a violé le secret professionnel qu'elle était tenue de respecter. Parce qu'elle a remis à 7 syndicats des correspondants de Téfal qui ont ensuite fuité dans l'UMA. Rien ne l'obligeait à se comporter de la sorte pour la cour d'appel. Laura aurait par exemple pu saisir le parquet, initiative qu'elle n'a prise que bien après les révélations dans la presse. Les magistrats trouvent par ailleurs que Laura n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de lanceuse d'alerte qui lui aurait permis de bénéficier d'une irresponsabilité pénale, autrement dit de ne pas être inquiétée par la justice. La loi Saint-Pin 2 prévoit que le lanceur d'alerte doit respecter une procédure graduée. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque la fonctionnaire a divulgué promptement les informations au syndicat. En outre, elle aurait dû s'entourer de précautions particulières avant de rendre public l'objet de l'alerte, notamment en vérifiant la véracité des éléments portés à sa connaissance, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, elle ne peut être considérée qu'elle avait agi de manière désintéressée dans la mesure où sa démarche concernait sa situation personnelle et ses rapports conflictuels avec sa direction. Conclusion de la Cour, en s'étant affranchie de toutes les règles d'enquête et des pratiques professionnelles qui s'appliquent à tout inspecteur du travail, en ayant sciemment recelé des correspondances électroniques, Laura Pfeffer a eu un comportement non seulement précipité, mais encore totalement inapproprié. Les magistrats ont cependant pris en compte les mauvaises relations professionnelles entretenues avec sa hiérarchie directe pour apprécier le quantum de la peine. Donc, évidemment que cette condamnation est tout à fait scandaleuse. C'est d'ailleurs ce qu'ont rappelé les 5 organisations syndicales du ministère du Travail, CGT, CNT, FO, FSI, FSU et Sud. Et donc, voilà, c'est nous, on apporte notre soutien à Laura, qu'on a eu l'occasion de croiser. On était quelques-unes à être devant la cour d'appel l'autre jour à Lyon. Son avocat, Henri Leclerc, dit qu'il va se pourvoir en cassation. Donc, courage à toi, Laura, on pense à toi. Ok, on enchaîne avec Inner Terrestrials, Guns of Brixton. Voilà. We'll be right back.

Alors, un petit peu de formation syndicale, surtout que vous n'êtes pas sans savoir évidemment que le gouvernement Macron est en train de préparer une réforme sur les retraites. Après avoir fait passer cet été sa réforme sur l'assurance chômage. Donc là, ils annoncent tranquillement qu'ils vont prendre leur temps. Mais la riposte est en train de s'organiser avec une grosse grève donc, à partir du 5 décembre, vendredi 5 décembre. Alors pourquoi le 5 décembre a été décidé ? C'est parce que c'est la date du début de la grève victorieuse de 10 jours contre la réforme des retraites de 1995 sous la présidence de Chirac. On se souvient, pour les plus anciens, de ces grosses grèves de 1995 où le Premier ministre avait été obligé de partir, c'était Juppé, et voilà. Donc là, cette année, à partir du 5 décembre 2019, un grand appel à la grève illimitée pour tout bloquer, à partir du 5 décembre. Et d'ici là, il faut continuer à mettre la pression tous les samedis dans la rue avec les gilets jaunes qui continuent encore et encore. Voilà. Surtout que là, on va arriver au 52e, 53e samedi de mobilisation. Avec tout ce qu'on sait, tous les 10 000 gardes à vue, les milliers de peines de prison, les centaines de blessés, et des dizaines de mutilés et même des morts, hein, bien sûr. Alors, un petit point sur le droit de grève, parce que beaucoup de personnes nous interrogent quand on les croise dans des lieux stéphanois de bonne renommée, voire dans la rue même des fois. Alors, le droit de grève, comment ça marche ? Alors déjà, il faut distinguer les personnes qui travaillent dans le privé et les personnes qui travaillent dans le public. Donc, je vais d'abord parler du privé. Il y a trois cas de figure. Le premier cas, c'est un syndicat qui fait un appel national ou local à la grève interprofessionnelle ou dans la branche où tu bosses. Donc, c'est simple, il n'y a rien à faire de particulier. Tu peux être seul dans ta boîte à faire grève. Est-ce qu'il faut prévenir ? Il ne faut pas prévenir. Souvent, les employeurs demandent à être prévenus 48 heures avant. Et ils disent que c'est obligé, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Dans le privé, c'est pas obligé dès lors qu'il y a un appel national ou local à la grève interprofessionnelle ou dans ta branche. Voilà, tu n'es pas obligé. Après, tout dépend les relations que tu as avec ta hiérarchie, parce que là, c'est pas directement contre ta hiérarchie, c'est plutôt contre le gouvernement, quoi. Donc, après, suivant le boulot que tu fais, tu peux prévenir par courtoisie, on va dire, peut-être. Alors, deuxième cas de figure, un syndicat appelle à la grève dans ton entreprise et les revendications te concernent. De nouveau, pas de formalité particulière. Par contre, il faut être au moins deux grévistes. Si ça concerne juste ta boîte voilà. Le troisième cas de figure, c'est il n'y a personne qui appelle à la grève, que ce soit nationalement ou localement, dans ta branche ou dans ton entreprise. Deux salariés au moins doivent signer et transmettre un courrier à la direction avec la liste des revendications associées au mouvement. De nouveau, il faut être deux grévistes minimum. Si tu es l'unique salarié de la boîte, tu as le droit de faire grève tout seul ou toute seule. Attention, la grève pour être légale doit porter sur des revendications professionnelles. En cas de grève plus politique, il faut donc se protéger derrière un carnet de revendications légalement acceptable. Dans tous les cas, tu n'as pas l'obligation d'avertir à l'avance ton patron, ce qu'on disait tout à l'heure, que tu comptes faire grève. Tu peux ne te déclarer gréviste qu'une fois de retour au travail, mais en fonction de l'ambiance dans ta boîte, cela peut parfois être diplomatiquement plus stratégique de le faire. À toi de voir. Exactement ce qu'on vient de dire. Voilà. Ça, c'est pour le privé. Après, si tu es dans le public, les règles sont un petit peu différentes parce qu'il y a un préavis de grève qui doit être déposé au moins 5 jours à l'avance par un syndicat représentatif. Alors le public, c'est aussi les boîtes privées qui exercent une mission de service public. En général, quand tu bosses dans ces boîtes, tu sais un petit peu comment ça marche. Dans les entreprises qui sont soumises au service minimum, donc les enseignants du premier degré, hein, maternelle et primaire, la fonction publique hospitalière, les transports publics, l'audiovisuel public, tu dois te déclarer gréviste au moins 48 heures à l'avance en remplissant un formulaire. En tout cas, faire grève, c'est un droit constitutionnel. Et si ton patron te discrimine ou te sanctionne suite à la grève, c'est complètement illégal. Ça peut donc être sévèrement puni. Dans ce cas, ne reste pas seul, évidemment. Tu viens nous voir à la CNT, à Saint-Étienne, la Bourse du Travail. Tout le monde connaît. La 15 bis. La 15 bis. Donc voilà, on fait grève à partir du 5 décembre de manière illimitée pour... contrer cette saloperie que concocte encore Macron sur les retraites, quoi. Voilà. Ok. On va passer des morceaux qui parlent un peu de libération animale avec Los Fastidios et les Fossoyeurs Sceptiques. Et puis, on va passer un troisième morceau qu'on va dédicacer à notre copain Loïc, qui nous manque. On t'embrasse, Loïc. Loïc, reviens. Reviens au moins de temps en temps, mais reviens. Voilà, ce morceau-là, ce sera La Toile, FNB, pour Fucking Nazi Bastards. une réalité dans les labos. Ça fait la mort. C'est une part de notre humanité que l'on laisse tomber. On ne la voit pas mais on sait bien qu'elle est là. On ne la regarde pas car on ne la supporterait pas. On arrive même à justifier la torture est tolérée ou au nom du progrès. Alors ils ouvrent les cages. You're just a loser. C'était donc la toile FNB. Voilà, moi j'aimerais faire un petit point sur l'accueil, enfin plutôt le non-accueil des migrants à Saint-Étienne. Donc voilà, je vais vous lire le tract. Samedi 19 octobre, un rassemblement a eu lieu place du Peuple pour alerter sur les conditions de vie indignes qui sont réservées aux migrants dans notre ville. Environ 300 personnes, dont une soixantaine d'enfants scolarisés dans nos écoles, collèges et lycées stéphanois, ainsi que de nombreux mineurs isolés qui survivent sous nos ponts, dans nos rues, nos parcs ou dans des squats. La presse locale n'a malheureusement pas couvert ce rassemblement qui a réuni plus de 200 personnes, citoyens, citoyennes, collectifs de parents d'élèves, etc., etc., etc. Il y a urgence à l'approche de l'hiver à alerter nos autorités sur la situation de ces migrants, de ces jeunes et de leurs familles. Nous avons besoin de vous pour relayer largement notre pétition. Donc voilà, ouvrez l'œil, il y a une pétition qui circule, soit par mail, soit en papier, à imprimer, à faire signer. Ça donne l'occasion de discuter avec des gens, c'est pas mal. Cette pétition sera remise symboliquement lors d'un nouveau rassemblement organisé mercredi 20 novembre, jour du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, pour lequel nous vous tiendrons informés prochainement. Voilà. Sur le site de la CNT 42. On vous tiendra informé du lieu et de l'heure de ce rassemblement. C'est une bonne idée. Voilà, okay. Tout ce que j'avais à dire. Allez, on va écouter maintenant une chanson qui s'appelle « Fille de Toto », qui est chantée par une chorale révolutionnaire. C'est une reprise d'une adaptation de Corrigan Fest. Je suis fille de Toto qui milite à Montreuil. Je suis fille de zadiste née parmi les chevreuils. Je suis fille d'Antifa grandie au syndicat et fille de féministe qui ne se mariera pas. Fille des perquisitions et des assignations, enfant des gardes à vue et de la répression. J'ai une fille chargée, bien qu'on me l'ait cachée. 60 âgés, tout au CICB. Et malheureusement, ça n'a jamais rien donné. Et mes doudous c'était détractés, déquéfiés. J'ai appris la grammaire, déjà féminisée. Posé sur l'info-kiosque, mes rédactions scolaires. Même que parfois je rendais un tract contre la guerre. Des manifs déclarés avec des slogans. J'ai appris à parler dès l'âge de 8 ans. En noir dans les manifs, et Dieu sait que jamais je n'ai raté une diff. Les collages que je faisais à mon école primaire, c'était des affichages pour les no-borders. Face à l'autorité, je voulais pas me soumettre. Et quand j'étais collé, je gueulais ni vieux ni maître. Et quand j'étais collé, je gueulais ni vieux ni maître. La la la la. Allez, un groupe de la Loire, les Crades Marmots. Et voilà, c'était les Crades Marmots en direct d'Estivareil. Pardon, j'ai pas allumé vos micros, vous pouvez pas parler. Ça y c'est est. Bon. Alors, si moi, dans l'agenda, j'ai retenu une date, c'est le samedi 16 novembre. Alors à la Gueule Noire, et ça commence par un petit resto à midi. Ça va être trop bon. Et suivi du Feminist Fight Club. Qu'est-ce que c'est le Feminist Fight Club ? Eh ben, je sais pas trop, mais c'est, ça a l'air super bien. Bah, la première règle, c'est qu'il faut pas en parler. Pardon. Et du coup aussi, le 16 novembre, il y a un petit festival Antifa. Alors, effectivement... C'est même le 15, je crois. C'est ça, c'est le 15 et 16 novembre. Il y a le Saint-Étienne Antifa Festival à Oursa Mineure, avec différents collectifs et assos qui sont impliqués dans l'organisation. Le vendredi soir, il y a les Rustres, il n'y a que des groupes de la Loire. Notre ami autochtone aussi qui jouera. Et le samedi soir, le samedi, ça commencera dès 15h avec du graphisme, de la boxe, des discussions sur l'antifascisme et en concert, hors contrôle du 71, Mondragon, du 69, Porte-Fenêtre, du 42 ah, voilà. Et d'autres. Et DJ chouchou. Poulpe. Et ouais, on joue encore. Ils ont rédigé un petit communiqué pour expliquer un peu leur démarche, donc je vais vous le lire. C'est peut-être pas très dynamique, mais au moins ce sera complet. Saint-Thé, ville solidaire, cosmopolite et populaire. Dans un contexte de racisme institutionnel, de montée des idées d'extrême droite dans la sphère politique et de banalisation de l'islamophobie, il nous semble indispensable de multiplier les initiatives solidaires envers les migrants et migrantes qui servent de bouc émissaire dans notre société malade. Depuis 2015, les membres du Conseil européen ont réduit la question migratoire à sa simple expression sécuritaire, renforcer les frontières et refouler entre guillemets les indésirables. Les responsables européens se sont bien emparés du discours anti-migrant prôné par certains pays comme l'Italie, la Hongrie ou la Pologne, qui mélange racisme, populisme et crainte du grand remplacement, entre guillemets. Pour boucler cette stratégie d'une Europe forteresse qui nourrit les replis et les populismes nationaux, la répression s'est acharnée sur les citoyens solidaires qui essayaient d'améliorer la situation des migrants partout en Europe. Carola Rackete avec le Sea-Watch 3 en Italie ou Cédric Héroux du réseau Emmaüs Roya. Les poursuites pour délit de solidarité se sont multipliées, mais aussi les initiatives solidaires et de soutien envers les personnes étrangères de toute nationalité. Pardon. À Saint-Étienne, malgré les expulsions successives et l'acharnement juridique de la mairie, le collectif des occupants et des occupantes de la Bourse a réussi à entretenir la flamme de la solidarité depuis avril 2019, et à mobiliser habitants, habitantes, collectifs, militants, militantes à travers des actions de soutien aux personnes migrantes sans logement. Même constat du côté de la Maison Solidaire, sans oublier la création d'une antenne de SOS Méditerranée. Le week-end antifasciste, organisé par différents lieux et collectifs stéphanois, s'inscrit dans cette même démarche. Nous croyons que le meilleur moyen de contrer le discours populiste qui vise à nous diviser en fonction de nos origines, c'est de proposer des manifestations concrètes qui nous rappellent ce que nous avons en commun, la solidarité et l'envie d'une société plus humaine et sans discrimination ni attitude raciste, sexiste et homophobe. Eh ouais, ça se pose là, hein ? En parlant de raciste, on a vu avec des copains et des copines pas mal de sticks de l'Action française. Ça serait peut-être cool qu'on soit vigilant parce qu'il n'y a pas de fachos dans nos quartiers, quoi. Et c'est l'heure de se quitter pour nous. Est-ce qu'on peut rappeler... Attends, ouais. J'ai deux, trois trucs à ajouter sur le calendrier. Notamment, ouais. C'est un peu loin, mais le prochain concert de soutien de La Gueule Noire, ça sera le 3 janvier. C'est déjà calé. Ok. Et voilà, donc je voulais déjà le signaler. On sait qui c'est qui joue ? Oui. On l'annoncera dans la prochaine émission. Et moi, tu me l'annonceras hors micro. Et sinon, bah, peut-être on rappelle nos coordonnées. Donc, déjà, vous trouvez tout ça sur le site de la CNT42. Vous pouvez trouver aussi la brochure que vient de sortir Femmes Libres Saint-Étienne. Voilà. Et puis sinon, notre adresse, c'est salle 15 bis, Bourse du Travail, cours Victor Hugo, 42 028 Saint-Étienne, CEDEX 1. Le téléphone, on tombe souvent sur le répondeur, c'est le 04 77 25 78-04. Mais on écoute les messages et on rappelle après. Et on rappelle après, bien sûr. Et les permanences, c'est tous les vendredis de 17h à 18h30. Voilà. Je rappelle peut-être le mail de CNT Femmes Libres. Donc c'est cnt-du-bas-femmes-libres-42@riseup.net. C'est Femmes Libres au pluriel. Femmes Libres au pluriel. Et le téléphone, c'est 06 21 70 60 67. Voilà. Voilà, c'était Cœur Noir Tripalium, l'émission de la CNT 42. La prochaine, ce sera dimanche 1er décembre. Et Loïc, t'aurais pu envoyer un poème quand même. On vous embrasse, à plus. Ciao. Ciao.